l'année passée à regarder celle qui lui vole sa raison, qui ne procure que frustration. Les jours se suivent et il n'ose toujours pas déclarer sa flamme, le cœur rempli d'émoi. Il voudrait être un poète pour vaincre ses mots, attendre la nuit et lui chanter tout haut. Qu'elle est sa muse, son enchanteresse, qu'elle est plus belle qu'une déesse. Chaque jour, elle est merveille. Que déception.